De la manière de méditer par le révérend Père Rotan, Père Pierre Génessot, J. de Gigore, éditeur 1913. Comment il faut appliquer la volonté? La volonté a deux devoirs à remplir dans la méditation, elle doit s'exciter à de pieuses affections, et former des résolutions ou bons propos. Ces deux points sont tellement essentiels à la méditation, que sans eux elle ne saurait prendre le nom de raison mentale, ce serait une étude ou une pure spéculation. Les affections. Le premier devoir de la volonté est donc de s'exciter à de pieuses affections, ou de produire certains mouvements de l'âme, et d'exercer intérieurement des actes de différentes vertus. Les affections doivent être répandues dans toute la méditation, elles doivent au moins être très fréquentes, puisque ce sont elles qui font de la méditation une vraie prière. Le feu de la grâce et de l'amour divin qui doit toujours brûler, ou du moins demeurer dans nos cœurs, trouvera un aliment dans les diverses considérations de l'entendement, et ne pourra manquer de s'échapper en de vives flammes. Selon cette parole du prophète, le feu s'enflammera dans ma méditation. Psaume 38, 4. Les affections varieront encore selon la diversité des sujets que l'on médite. Ainsi, les grandes choses, comme sont toutes les œuvres de Dieu, exciteront mon admiration, le souvenir de ses bienfaits me portera à la louange, à l'action de grâce, à l'amour, les effets de sa colère et ses menaces me frapperont de crainte. La méditation de mes péchés et de mes misères excitera en mon cœur un vif sentiment d'humiliation, de confusion, de douleur, de prière, etc. Quant à la manière d'exciter les affections, il faut se persuader avant tout qu'il n'est pas besoin de paroles disposées avec art. Le cœur est le siège des affections, non la langue. Et nous ne sommes pas dans la nécessité d'agir avec Dieu comme nous faisons avec les hommes, qui ne comprennent les sentiments de notre cœur que lorsqu'ils sont exprimés par le langage. Lorsque vous priez, nous dit notre Seigneur, ne parlez pas beaucoup, comme font les païens, car ils s'imaginent qu'ils seront exaucés à force de paroles. Matthieu 6, 7. Cet avertissement du Sauveur semble regarder surtout ceux qui s'adonnent à l'oraison mentale. Plusieurs pensent qu'il ne peut y avoir de bons sentiments, à moins qu'ils ne soient exprimés en termes éloquents et recherchés. Erreur grossière. Il n'est point nécessaire de recourir à des phrases imposantes pour se rendre Dieu favorable, comme on en use à l'égard des hommes. Cette œuvre, dit saint Augustin, est l'affaire de nos gémissements plutôt que de nos discours. L'Écriture sainte, il est vrai, et particulièrement le livre des psaumes, nous parle souvent de cris poussés vers le Seigneur. Mais cette expression doit moins s'entendre d'un cri de la bouche que de ces vives et ardentes affections qui sont véritablement les cris du cœur. Au reste, c'est un point que le Père Rodriguez traite parfaitement, à son ordinaire, dans la première partie de la perfection chrétienne, traité 5e, chapitre 12e. Il me suffit d'avoir fait remarquer que l'on ne doit jamais se mettre en peine de la manière d'exprimer ses affections, puisqu'on peut le faire très bien de cœur, sans employer aucune parole. J'avouerai cependant, que, pour l'ordinaire, le sentiment du cœur est efficacement secondé par quelques paroles qu'il exprime, mais il n'est pas nécessaire que ces paroles soient recherchées et multipliées, il est même plus convenable, ce me semble, qu'elles soient simples, peu nombreuses, mais répétées plus fréquemment et savourées plus à loisir. Si l'on rencontre dans l'Écriture sainte, dans les prières de l'Église, dans les maximes de quelques saints, l'expression juste de son sentiment, ce sera le mieux sans doute, puisque de telles sources sont toujours agréables à Dieu, et qu'elles ont une onction qui ne se trouve pas ailleurs. Mais ici, peut-être, quelques exemples ne seront pas hors de propos. Vous désirez exciter en vous le sentiment de la reconnaissance à la vue des bienfaits de Dieu. Quoi de plus simple que de dire avec le psalmiste, « Oh, que rendrai-je au Seigneur pour tous les biens qu'il m'a faits ?» Psaume 115, 12, puis, méditant dans votre cœur ce que vous êtes, ce qu'est Dieu, auteur de ses bienfaits, vous répéterez avec reconnaissance, « Que rendrai-je, moi, au Seigneur, à ce Seigneur si grand, pour tous les biens qu'il m'a faits ?» Et, continuant à réfléchir sur la grandeur d'un bienfait particulier, ou de tous les bienfaits divins, il vous sera facile d'entretenir le sentiment de la reconnaissance, en répétant par intervalles, doucement et avec attention. Que rendrai-je au Seigneur pour tous les bienfaits que j'ai reçus de lui? On peut encore très bien se servir, pour exprimer le même sentiment, des paroles du patriarche Jacob, « Seigneur, je suis indigne de toutes vos miséricordes. » Genèse 32, 10. Elles sont un excellent modèle d'action de grâce, parce qu'elles renferment une connaissance intime de cette profonde bassesse qui rend l'homme indigne des regards d'un Dieu si grand, et un vif sentiment de l'impuissance où il est de rendre au Seigneur de dignes actions de grâce pour la moindre de ses bontés. Oui, Seigneur, je suis trop petit pour mériter le moindre de tous vos bienfaits. On se servira enfin de beaucoup d'autres passages, et, s'il ne s'en présente aucun à la mémoire, on dira de cœur, « Mon Dieu, je vous remercie, je vous rends grâce, ce sera un bon acte de reconnaissance, car Dieu ne regarde pas les paroles, mais le cœur. » De même la considération de notre propre bassesse excite-t-elle en nous un sentiment d'humilité, quoi de plus naturel que de dire, « Oui, mon Dieu, je suis véritablement, et sous tous les rapports, très indigne de paraître devant vous. » Quoi de plus facile en pensant à ces paroles, « Moi, en toute façon, très indigne, que... » de nous rappeler les causes qui nous rendent si indignes des regards divins, et de nourrir ainsi plus longtemps le sentiment de l'humilité. On emploiera aussi efficacement, pour exciter et entretenir le même sentiment, ces paroles empruntées en partie à la deuxième méditation du livre des exercices, « Que suis-je, pour le corps, un amas de boue, la pâture des vers, pour l'âme, un ulcère infect, un abcès dégoûtant, source intarissable de corruption et de péché. » Et c'est sur cette fange que les yeux divins sont obligés de s'arrêter sans cesse. Quelquefois on répétera ces paroles de l'Apocalypse, 3:17, « Je suis vraiment malheureux, et misérable, et pauvre, et aveugle, et nu. » Ou bien on se contentera de dire, « Oh, que je suis vil et abominable. » C'est un sentiment d'humilité, ne faites pas attention aux paroles, ne cherchez qu'à le nourrir dans votre cœur. Il serait facile, en consultant l'Écriture sainte, les prières de l'Église et les paroles des saints, de former un recueil de courtes sentences assorties aux divers sentiments de l'âme. Chacun même pourrait se faire ce choix de maxime pieuse, et se les rendre familières en les répétant souvent dans l'oraison, lorsqu'il désire exciter en lui un des sentiments qu'elle renferme. La raison pour laquelle il serait plus utile de faire ce recueil soi-même que d'en adopter un tout fait, se présente d'elle-même. Tous ne sont pas également touchés des mêmes pensées, et les uns trouveront plus de goût de dévotion dans une maxime que les autres. Ceux qui ont coutume de réciter leurs prières vocales avec attention, de faire avec réflexion des lectures spirituelles, réuniront facilement, pour les sentiments divers, diverses maximes dont ils pourront s'occuper avec fruit, selon l'occasion, pendant l'oraison. Mais que ces maximes soient courtes, que l'on en comprenne bien la force, et que l'on ait soin de se les rendre familières. L'exemple d'un grand nombre de saints recommande cette pratique. Nous ne mettrons point ici une remarque pleinement conforme à l'esprit de saint Ignace, notre Père. Lorsque nous éprouvons en nous quelques bons sentiments, efforçons-nous de le nourrir le plus longtemps qu'il nous sera possible, sans nous mettre en peine du reste du sujet de la méditation. Tâchons de le conserver et de l'entretenir jusqu'à ce que notre dévotion soit satisfaite. Il s'agit, par exemple, du sentiment de l'humilité et de la connaissance de notre propre bassesse. Pensons et repensons à ces paroles. Oui, je suis véritablement et en toute façon très indigne de paraître devant vous, ou à d'autres semblables. Aussi longtemps que nous conserverons ce sentiment de notre bassesse, qu'il échauffera notre âme et que nous le goûterons intérieurement, et, ne ferions-nous rien autre chose durant l'heure entière, nous aurons fait une excellente méditation. Lorsque ce sentiment commencera à se refroidir, nous passerons à une autre considération. Quant aux sentiments qui sont moins de nature à nourrir dans l'âme l'humilité et l'idée de sa propre bassesse, comme seraient la joie et la confiance, j'avoue qu'ils peuvent être sains, mais, comme ils sont aussi plus sujets à l'illusion, dans le cas où l'on s'y arrêterait un temps considérable, surtout si l'on s'en occupait tout le temps de la méditation, et que cela se répétât souvent, il faudrait, pour plus de sécurité, le communiquer au Père spirituel. Nous avons dit que les affections doivent être répandues dans tout le cours de la méditation, nous n'acceptons pas le temps consacré à l'exercice de la mémoire et de l'entendement. Que l'on se rappelle ce qui a été dit plus haut de l'application de ces deux puissances, et l'on comprendra que non seulement les affections sont compatibles avec cet exercice, mais qu'il est difficile qu'il n'en fasse pas naître quelques-unes comme naturellement. Dès le commencement de la méditation, on peut, comme nous l'avons fait remarquer en son lieu, exciter au moins un sentiment de foi sur la vérité que l'on médite, et l'on ne devrait jamais omettre cette pratique. On dira du fond du cœur, « Je crois cette vérité, parce que la foi me l'enseigne. » Ou bien, « Je la crois, parce que c'est vous, ô éternelle vérité, qui l'avez révélée, et que vous n'êtes pas, comme l'homme, capable de tromper. Le ciel et la terre passeront mais vos paroles ne passeront pas. » La dernière de ces formules, on le comprend, sera préférable, si l'on médite une maxime de notre Seigneur Jésus-Christ, ou quelques paroles de Dieu même, tirées des Saintes Écritures. Deuxièmement, les résolutions. Le second devoir de la volonté est de prendre de bonnes résolutions pour l'avenir. Ce point est tellement essentiel, surtout dans notre compagnie, qui est voué à la vie active, que l'on ne peut négliger de prendre des résolutions sans manquer le but de la méditation, car la fin de cet exercice, particulièrement dans la compagnie, n'est pas seulement de prier Dieu pendant une heure, mais encore de purifier l'âme de ses vices, de l'orner de vertu, de réformer et de perfectionner toute sa conduite, de se confirmer dans la détermination de servir Dieu, de se prémunir contre les difficultés et contre les tentations, de régler ses actions afin de les faire d'une manière plus parfaite, ce qui ne peut s'obtenir dans la méditation que par les bonnes résolutions. Ce point étant, comme on le voit, un des plus importants que nous ayons traité jusqu'ici, nous croyons nécessaire de tracer quelques règles, aussi précises qu'il nous sera possible, avec le secours de la bonté divine. Premièrement, on comprend assez à quel moment de la méditation on doit prendre les résolutions. C'est, comme nous l'avons dit en parlant de l'application de l'entendement, à la fin de la considération de chaque conclusion pratique, déduite du sujet de la méditation. Parmi les questions que l'on doit se faire, se trouve la suivante. Que dois-je faire à l'avenir? La réponse à cette question contiendra les résolutions. J'en dis autant des autres demandes. Quel empêchement ai-je à éloigner? Quel moyen à choisir? Lorsque la volonté se résout à mettre en pratique les lumières que l'entendement lui a données sur ces questions, cette détermination est une résolution. Ce que nous disons n'empêche nullement que l'on ne puisse prendre sur le champ une résolution particulière dans le cours de la méditation, lorsqu'il se présente une chose que l'on doit faire ou qu'il faut éviter. Néanmoins, le moment propre des résolutions, qui sont comme le fruit solide de la méditation, et toujours vers la fin des questions que l'on doit se faire dans l'application de l'entendement. On ne manquera pas de s'adresser ces questions dans chaque point, comme nous l'avons recommandé plus haut, et, s'il se rencontre dans le premier point ou dans les autres plusieurs considérations pratiques, on se fera les questions et on prendra des résolutions après chacune de ces considérations. Les exemples que nous avons proposés ne laissent aucune difficulté sur ce sujet. Deuxièmement, que nos résolutions soient pratiques, c'est-à-dire efficaces pour améliorer et perfectionner notre vie. Je voudrais surtout bien faire comprendre ici que nos résolutions ne doivent pas se borner à telle ou telle pratique d'une petite dévotion. Par exemple, vous méditez sur la mort, et vous ne prenez point d'autre résolution que de réciter tous les jours l'oraison dominicale et la salutation angélique pour les agonisants, et telle prière à la très sainte Vierge, pour obtenir une bonne mort. Ces sortes de résolutions sont bonnes, mais elles ne suffisent pas. Voulez-vous que les vôtres soient véritablement solides et pratiques? Voyez ce que vous avez le plus à éviter, quel péché à fuir, quel défaut à corriger. Examinez quelles vertus il vous importe principalement d'acquérir pour vous préparer à une heureuse mort, quelles passions vous devez mortifier, et par quels moyens. Voilà ce que j'appelle des résolutions pratiques. Troisièmement, que nos résolutions ne soient pas universelles, mais particulières. On peut consulter l'explication de la seconde question, quelle conclusion pratique dois-je tirer de cette doctrine? Et celle de la quatrième, comment l'ai-je suivi jusqu'ici? Ce qui a été dit sur ces deux points convient parfaitement à celui-ci. J'ajoute qu'il y a deux manières de rendre les résolutions particulières. La première manière est de les appliquer à un cas particulier, la seconde, de déterminer quelque chose de particulier sur un point général, ce que j'explique brièvement par un exemple. Vous dites, je serai patient dans toutes les adversités. Voilà une résolution générale, qui, par conséquent, n'est pas bonne, excepté peut-être pour des hommes très avancés dans les voies spirituelles et dans celles de la perfection. Vous pourrez donc particulariser votre résolution universelle de deux manières. Premièrement, en disant, je serai patient dans telle et telle circonstance, vous proposant en même temps les occasions dans lesquelles vous avez appris par expérience que vous êtes le plus souvent tenté d'impatience. Secondement, en disant encore, s'il se présente quelque peine à souffrir, je penserai que cette peine est bien peu de choses en comparaison de celle de l'enfer que j'ai mérité. Ou bien, je m'encouragerai à la supporter patiemment par amour pour Jésus crucifié. De l'une ou de l'autre de ces manières, la résolution sera particulière, et par conséquent bonne, mais elle sera excellente, si vous la rendez particulière des deux manières à la fois. Par exemple, je serai patient dans telle et telle circonstance, en pensant que cette souffrance est bien peu de chose en comparaison des peines de l'enfer que j'ai méritées, etc. Car, de la sorte, Vous trouvez dans votre résolution même le motif d'y être fidèle. Quatrièmement, que nos résolutions soient appropriées à notre état présent. Voyez ce qui a été dit sur la question cinquième, que dois-je faire à l'avenir, et remarquez de plus que ces résolutions ne doivent point s'étendre à un temps encore très éloigné, comme si un novice ou un jeune scolastique se disait, quand je serai prêtre, je ferai ceci ou cela. De semblables résolutions sont ordinairement inutiles, souvent même elles sont sujettes à bien des illusions. Que nos résolutions aient donc pour objet un besoin actuel, ou du moins très prochain. Cinquièmement, je dis plus, que l'on détermine chaque jour quelques points spéciaux de réforme ou d'avancement dans la perfection, qui doivent être mis à exécution le jour même. Cette pratique est facile à ceux qui font régulièrement l'examen de leur conscience, et qui sont animés d'un désir sincère de se corriger des défauts qu'ils découvrent en eux, et de ceux dont les supérieurs les ont avertis. Les choses que nous avons vraiment à cœur se présentent d'elles-mêmes à notre mémoire, et tous les sujets de méditation nous fournissent des motifs d'amendement. Que nous méditions sur l'amour de Dieu, ou sur ses menaces contre les pécheurs, sur la passion de Jésus-Christ, ou sur les mystères de sa vie glorieuse, sur nos péchés personnels, ou sur les vertus des saints, toujours la conclusion pratique nous amènera à combattre ce qu'il y a de vicieux en nous. Il est surtout nécessaire d'en user de la sorte, lorsque nous nous sentons plus vivement pressés par quelque passion, ou plus retardés par quelque difficulté dans le service de Dieu. C'est alors qu'il faut, pour ainsi parler, dresser toutes nos batteries, diriger toutes nos machines de guerre vers ce but, afin de remporter une pleine victoire. On voit de là qu'il est souvent utile que le sujet de la méditation coïncide avec la matière de l'examen particulier, et que l'examen particulier ne doit pas rencontrer un léger moyen de succès dans la méditation. Sixièmement, que nos résolutions soient fondées, c'est-à-dire établies sur des motifs solides. Elles le seront toujours, si l'on examine avec soin la troisième question, quel motif m'engage à me conformer à cette doctrine? Voyez ce qui a été dit plus haut sur cette demande. On se trompe souvent en prenant des résolutions aussitôt que l'entendement nous a fait connaître ce que nous devons faire. Cette promptitude de volonté est louable, il est vrai. Mais combien de fois ces résolutions prises à la hâte ne ressemblent-elles pas à une maison bâtie sur le sable? Le premier vent de la tentation, l'approche de la première difficulté les renverse. Voulons-nous que nos résolutions soient stables, appuyons-les sur les vérités éternelles, convainquons pleinement notre entendement de la nécessité, de l'utilité, de la justice, d'accomplir le devoir, d'éviter le défaut dont il s'agit. Et il ne suffit pas de considérer une ou quelques fois les motifs de nos résolutions, sous prétexte que nous comprenons suffisamment pour quelles raisons nous devons agir de la sorte, il faut y revenir souvent dans la méditation, surtout lorsqu'il s'agit d'un point particulier qui demande tous nos efforts, comme de remporter la victoire sur notre orgueil, d'obtenir l'humilité ou de surmonter tout autre vice qui nous poursuit, d'acquérir toute autre vertu dont nous avons un plus pressant besoin. Ces motifs souvent médités entrent plus avant dans le cœur, et si l'on joint à la méditation les actes fréquents, on finit par acquérir l'heureuse habitude de la vertu. Septièmement, que nos résolutions soient humbles, c'est-à-dire pleine de défiance de nous-mêmes. Le défaut d'humilité dans les résolutions est la cause première pour laquelle elles ne sont point observées, surtout dans ceux qui les font sérieusement et qui ont une volonté vraie de servir Dieu. Dans la méditation, ils se promettent fermement d'agir de telle et telle manière, en telle et telle circonstance, et, en prenant ces résolutions, dont ils comprennent si clairement les motifs, ils se persuadent, par une présomption secrète, qu'ils s'y conformeront très certainement dans la pratique, il leur semble même impossible qu'il en soit autrement, cependant, à la première occasion qui se présente, le plus souvent ils manquent de courage. Pourquoi ? Ils n'ont pas manqué de sincérité, mais d'humilité, de défiance d'eux-mêmes et de leur force, et Dieu, dans sa justice et dans sa miséricorde, humilie ainsi leur orgueil. Il faut donc, lorsque nous prenons des résolutions, craindre notre inconstance et notre faiblesse, il faut mettre toute notre confiance dans la grâce et dans le secours divin, et l'implorer avec une humilité profonde. Il faut recourir à l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, de nos saints patrons, de notre ange gardien, et dire, par exemple, « Il est vrai, ô mon Dieu, que je prends maintenant cette résolution. Il est vrai que je veux agir de la sorte, cependant, je n'en ferai rien, Seigneur, si vous ne m'aidez vous-même. Je ne connais que trop ma perversité et mon inconstance, trop souvent j'en ai fait l'expérience, pour me fier à mes résolutions. Seigneur, j'ai espéré en vous, je ne serai point confondu pour toujours. Accordez-moi votre grâce, lorsque l'occasion de mettre cette résolution en pratique sera venue. Alors, Seigneur, rappelez à mon esprit la vérité que vous venez de me faire comprendre, et fortifiez ma volonté. De quoi me servirait votre lumière qui me montre ce que je dois faire, si je ne la suivais pas? Aidez-moi donc, ô mon Dieu, à cause de votre saint nom. Je vous le demande par les mérites de Jésus-Christ, par son sang, par son cœur sacré. Mes saints patrons, secourez-moi, et vous surtout, Vierge très sainte, Mère de Dieu, et aussi ma mère, qui m'avait déjà prévenu de tant de miséricorde, ne m'abandonnez pas, obtenez-moi la grâce que j'implore. Mon saint ange gardien, quand cette occasion viendra, parlez à mon cœur et aidez-moi. Etc. Cet avis est d'une extrême importance, observez-le donc avec d'autant plus de fidélité, que nous aurons éprouvé plus souvent notre inconstance et notre faiblesse. Si parfois notre volonté se montre paresseuse à prendre des résolutions, il faut l'y contraindre en la combattant, en lui faisant violence, en insistant sur les motifs, particulièrement celui de la nécessité, comme il a été dit dans la troisième question. Quel motif, etc. Il faut enfin prier Dieu avec un redoublement de ferveur, pour qu'il daigne relever notre courage abattu. Article 3e. De la fin ou conclusion de la méditation. Récapitulation. Colloque. La méditation se termine ordinairement par la récitation du Pater et de l'Ave, mais nous voulons moins parler ici de cette fin, que d'autres actes qui doivent la précéder et qui forment la conclusion de la méditation. Le premier est la récapitulation. Si, comme il arrive ordinairement, on a pris plusieurs résolutions dans les jours de la méditation, il sera très utile de les recueillir toutes et de les conformer vers la fin. Il est vrai que cet exercice doit encore se renouveler plus tard dans la réflexion ou l'examen, néanmoins, il est très avantageux de le faire avant la fin de la méditation, et pendant l'oraison même. On en retirera, entre plusieurs autres fruits, celui de passer avec plus de ferveur les dernières minutes de la méditation, tandis que souvent cette fin, qui devrait être toute brûlante, languit misérablement. Soyons surtout fidèles à cette pratique, lorsque la matière nous manque vers la fin de l'oraison, et au moins alors faisons la récapitulation de toute la méditation et de toutes nos résolutions. Le second est le colloque. Mais en tout cas, on ne doit jamais omettre, avant la récitation du Pater et de l'Ave, la prière que saint Ignace désigne sous le nom de colloque. Elle peut s'adresser à Dieu le Père, à notre Seigneur Jésus-Christ, ou à la Bienheureuse Vierge, ou à quelques saints, selon le sujet de la méditation. On observera sur ce point les cinq remarques suivantes. Premièrement, dans le colloque le cœur est tout, comme nous l'avons dit en parlant des affections, les paroles ne sont rien. Ne vous mettez donc nullement en peine de l'arrangement de vos pensées, du choix des expressions, laissez parler le sentiment, le cœur. Deuxièmement, c'est dans le colloque qu'il faut demander à Dieu la grâce d'être fidèle à nos résolutions lorsque le temps de les mettre à exécution sera venu. Voyez comme exemple de cette prière ce qui est dit au numéro 7, que nos résolutions soient humbles. Cette demande s'étendra à toutes les résolutions prises dans le cours de l'oraison quand même on n'en ferait pas l'énumération. Troisièmement, on pourra encore dans le colloque ajouter d'autres demandes, implorer une grâce qui nous est actuellement nécessaire, recommander les intentions de nos supérieurs, une personne que nous désirons secourir par nos prières, etc. Quatrièmement, au lieu de réciter le Pater et l'Ave, comme on le fait ordinairement, rien n'empêche de terminer la méditation par une autre prière vocale, ce qui est entièrement conforme à l'esprit de notre bienheureux Père. C'est encore assez l'usage de séparer l'oraison dominicale et la salutation angélique par la prière âme de Jésus-Christ, et il ne faut pas manquer de s'y conformer lorsqu'on médite sur les mystères de notre Seigneur. Si l'on médite sur le Saint-Esprit, il conviendra de terminer par le Veni Creator, ou le Veni Sancte Spiritus. Lorsque la méditation a pour sujet les bienfaits de Dieu, on récitera le Te Deum. Quand elle est sur les vertus d'un saint, on dira l'oraison de ce saint ou toute autre prière composée en son honneur, si on l'a sous la main. Cependant, il faut ordinairement ajouter à ces prières l'oraison dominicale et la salutation angélique. Cinquièmement, lorsqu'on récite plusieurs prières vocales, on peut les entremêler de colloques. Voici le mode que présente saint Ignace pour les trois prières, Notre Père, âme de Jésus-Christ, je vous salue, Marie. Premièrement, on supplie la Bienheureuse Vierge Marie de daigner demander elle-même à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce que l'on désire, et on récite je vous salue, Marie. Secondement, en s'adressant à notre Seigneur Jésus-Christ, on le prie par sa divine clémence, et en sa qualité de souverain médiateur, de demander la même grâce à son Père, et de nous l'accorder lui-même, puisque tout pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre, Matthieu 28, 18, puis on récite la prière âme de Jésus-Christ. Troisièmement, on supplie le Père éternel, au nom et par les mérites de Jésus-Christ, de ne nous point refuser cette grâce, et on termine toute la méditation en disant notre Père. Enfin on se lève, n'interrompant qu'avec respect son entretien avec Dieu et sans perdre de vue sa présence. Immédiatement après l'oraison, s'il est nécessaire de quitter sur le champ le lieu de la méditation, on aura un soin spécial de garder la modestie, à moins que l'on ne veuille perdre en un instant le fruit que l'on a recueilli pendant une heure entière. On passera ensuite à la réflexion, dont il nous reste à dire quelques mots. Markendanarchive.org, 2020, d'après Archive.org Université de Toronto, licence Creative Commons. Pas d'usage commercial, partage à l'identique.